Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'écoute de ce journal de cette mi-journée dont voici le sommaire. Lueur d'espoir au Burundi par rapport à la levée définitive des sanctions économiques prises par l'Union européenne depuis 2016. Au cours de ce journal, vous allez suivre les propos du ministre burundais des Relations extérieures et ceux de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi lors d'un troisième dialogue politique entre le Burundi et l'Union européenne. Financement d'un projet de la Régie des eaux visant à faire plusieurs activités, dont la densification du réseau électrique de la ville de Bujumbura à près de 90 millions d'euros. Et des activités de prévention devraient se faire pendant la saison sèche pour amoindrir les éventuels dégâts en période de pluvieuse. Et ambition du président de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes. Il est encore notre invité du journal. Voilà pour le titre et bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, le Burundi aspire à la levée définitive des sanctions économiques prises par l'Union européenne en 2016, espoir du ministre burundais des Relations extérieures et de coopération au développement ce jeudi, lors du troisième dialogue politique entre le Burundi et l'Union européenne. Ambassadeur Albert Shingiro rassure que le Burundi est prêt à rétablir sa confiance avec son partenaire, l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter. La présente réunion se tient également au moment où le partenariat entre le Burundi et l'Union européenne se raffermit progressivement avec la levée déjà envisagée des mesures financières contre le Burundi en 2016, comme l'a annoncé le chef de la délégation de l'Union européenne au président de la République du Burundi au cours de son audience du 21 juin 2021, conformément aux recommandations des groupes de travail des États membres de l'Union européenne. Nous nous en réjouissons. C'est une bonne voie. C'est une excellente occasion, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, de vous remercier très sincèrement pour le rôle positif que vous jouez dans le processus conduisant à la levée définitive de ces mesures. Son aboutissement sera, pour nous, le résultat du triomphe du dialogue sincère et amical, mais aussi et surtout de notre détermination commune à aller plutôt de l'avant et à aboutir à des ententes constructives dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Nous allons poursuivre sur notre lancée ce dialogue constructif, le cœur léger, avec un esprit de plus grande ouverture pour atteindre tous les résultats attendus qui sont entre autres le rétablissement de la confiance entre les deux parties, la compréhension mutuelle sur certains enjeux d'intérêt commun. Je rappelle que le Burundi revient progressivement sur la scène régionale et internationale, est en train de récupérer la place légitime qui lui revient dans le concert des nations. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne souhaite que les relations entre le Burundi et l'Union européenne soient comme avant. Claude Bochy trouve que les 27 pays européens constituent un partenaire incontournable pour le Burundi. On l'écoute. Nous gageons que ce dialogue continuera et s'approfondira encore, de façon à ce que le niveau des relations entre le Burundi et l'Union européenne et ses États membres soit au moins ce qu'il était avant 2015-2016. Nous nous félicitons qu'effectivement le Burundi récupère, comme vous l'avez dit, sa place au sein de la communauté internationale, tant nous sommes attachés, comme vous, au multilatéralisme. Nous aspirons à une coopération plus étroite avec vous sur la scène mondiale. Et donc, dans les semaines et mois maintenant qui nous séparent de la décision effective, qui elle sera prise par le Conseil des ministres, nous nous attendons effectivement à ce que encore des gestes, des réformes qui ont été annoncées soient mises en œuvre. Et cela, évidemment, dans la mise en œuvre de la feuille de route que nous avons travaillée. Donc, c'est vraiment une étape très importante. Moi, j'ai confiance que les choses se passent bien, comme elles ont commencé à le faire. Décidément, après maintenant 2 années, nous observons que l'Union européenne et ses États membres sont vraiment un partenaire incontournable du Burundi. Nous avons une offre politique, une offre de coopération, une offre d'investisseurs, une offre d'organisation non gouvernementale, bien ancrée dans la réalité avec de l'expérience, qui sont ici depuis très longtemps. Nous avons des valeurs communes et donc cela fait de notre partenariat un partenariat, à notre sens, unique. Et le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a reçu en audience ce jeudi le représentant de la Banque mondiale et dans la région de l'Afrique de l'Est et australe, Hefez Gemen. Lors de cette audience, on s'est convenu sur le financement des grands projets comme le développement de l'agriculture et la création de l'emploi pour les jeunes. Suivez Hefez Ghanem, il est le représentant de la Banque mondiale au niveau de la région de l'Afrique centrale, de l'Est et australe. On a parlé du programme de la Banque mondiale au Burundi et comment la Banque mondiale peut soutenir le plan de développement de Burundi. Notre vocation, c'est le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Donc, et Monsieur le Président, d'abord, il a commencé en nous présentant son programme économique et l'objectif essentiel, la création d'emplois pour les jeunes, améliorer la vie des Burundais, le développement de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi la création de richesses. Donc, nous avons parler de trois grands sujets pour arriver à créer l'emploi, à transformer l'économie burundaise. Bien sûr, on a besoin d'investir dans les infrastructures. On a parlé des investissements dans l'électricité, dans l'Internet, la digitalisation, mais aussi et surtout l'autonomisation des femmes et l'importance de l'autonomisation des femmes burundaises pour le développement humain, pour assurer la bonne nutrition pour les enfants, lutter contre le retard de croissance. C'est aussi la bonne gouvernance économique et la gestion de la macroéconomie du pays. Son Excellence nous a présenté sa vision d'assurer la transparence, la lutte contre la corruption, la création d'un cadre réglementaire qui encourage les investissements, la création des entreprises et la création d'emplois. Les risques des catastrophes en saison sèche sont minimes, mais les différents acteurs doivent songer aux divers travaux de prévention. C'est un appel du président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, commissaire de police Aniseni Baruta, trouve que le réaménagement de certains endroits menacés pourrait éviter des éventuels dégâts en saison de pluie. On l'écoute. Aujourd'hui, on entre dans une autre saison où on a l'été, mais les gens doivent se préparer parce que dans 3 mois, les pluies vont revenir. De toutes les manières, nous devons tirer un plan de préparation pour que nous soyons capables ou à mesure de faire face à tel ou tel autre événement, dépendamment des prévisions que l'IGBU aura à annoncer. Par exemple, dans le quartier d'Ogasekebouye, il y a une canalisation qui collecte les eaux de ce quartier et qui passe entre deux maisons. Même la principale route qui entre dans le quartier de Gasekeouye est aujourd'hui menacée. Il y a aussi une route qui passe derrière le Kamwa qui entre dans le quartier Gasekeouye et même de l'autre côté de la route vers l'Iskam, le ravin est en perpétuelle progression de destruction au niveau des berges et en profondeur. C'est dire que ça c'est une menace. Le pont Mouha sur la route qui mène vers Mongé, non loin de l'école internationale de Bujumbura, il y a aussi une grande destruction. Il y a déjà qui cultivent au-dessus des berges et des rivières qui passent surtout dans la ville de Bujumbura. Il y a des endroits où on fait une fabrication des briques, surtout sur la rivière Mhanda, qui menace l'environnement. Le commissaire de police Aniseni Baruta sera notre invité du journal vers la fin. Isanganiro. Il est 13h passé de 3 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continue ce journal. Une personne morte suite à ses blessures et une autre grièvement blessée lors d'une embuscade leur tendue par des hommes inconnus armés de fusils sur la colline Mujigo en commune de Buyengero. C'est en province de Lumonge. La nuit de ce mercredi, l'administrateur communal de Buyengero confirme les faits. Il précise que ces derniers ont volé de l'argent et des téléphones portables. Au niveau du commissariat provincial de la police Lumonge, l'on informe que des enquêtes sont en cours pour identifier et traduire en justice ces malfaiteurs. Jean-Pierre Missag. Les informations obtenues de la sous-colline Kuishui, de la colline Mujigo, confirmées par l'administrateur communal de Buyengero, indiquent que les deux hommes rentraient chez eux sur cette colline vers 21h de ce mercredi quand ils sont tombés dans une embuscade d'hommes armés de fusils non encore identifiés. Ces informations indiquent que parmi ces deux victimes de cette embuscade se trouvait un commerçant de vaches et de boissons Braroudi qui est tombé à côté du sentier après avoir reçu des balles et qui a été poursuivi par ces malfaiteurs qui l'ont repéré en téléphonant sur ses portables. Ces malfaiteurs sont partis en portant ses habits dans lesquels se trouvaient environ 4 millions de francs burundais et ses 3 téléphones portables. Le compagnon de ce commerçant, gravement blessé, a succombé à ses blessures au centre de santé Kizuga dans cette même commune où ils avaient été évacués selon Gracien Douayo, administrateur sénateurs communaux de Buyengero. Le commissaire provincial de police à Rumonge dit que des enquêtes sont en cours pour identifier et traduire en justice les coupables. Il y avait de cela une semaine qu'un vétérinaire dans cette même commune avait été tué à coups de machette quand il rentrait chez lui et les suspects sont déjà dans les mains du parquet de Rumonge, selon l'administrateur communal de Buyengero. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Près de 90 millions d'euros, tel est le montant pour financer un projet de la Régie des eaux visant la densification du réseau électrique de la ville de Bujumbura, le renforcement du réseau électrique de 30 kV ainsi que l'électrification des 36 localités dont 23 chefs-lieux des communes. Ce projet sera exécuté pendant 2 ans et touchera près de 4 000 ménages. Mireille Kanyang revient sur ce projet. Ce projet de la Régie des eaux sur 2 ans va affecter près de 4000 ménages. Il sera effectué sur 482 hectares. Des arbres dont ceux fruitiers et des cultures chiffrées à près de 70 000 seront également affectés. Cependant, une enveloppe de plus d'1,7 milliard de francs burundais est prévue pour indemnisation soutenue par la Banque africaine de développement BAD. C'est un projet financé à hauteur de près de 90 millions d'euros, soit plus de 210 milliards de francs burundais. Selon ce document produit par cette société burundaise de production et de distribution de l'eau et de l'électricité Régie des eaux, le renforcement du réseau électrique 30 kV est financé par plus de 22 millions d'euros. La densification du réseau électrique de Bujumbura coûtera un montant de plus de 17 millions d'euros. L'électrification des 36 localités, dont 23 chefs-lieux de communes, c'est pour une enveloppe de plus de 16 millions d'euros. L'électrification des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura va coûter près de 6 millions d'euros. Selon toujours ce document, ce projet vient en réponse à un surplus énergétique qui peut passer de 78,7 MW en 2020 à 239 MW en 2026, un surplus dû à la construction des barrages hydroélectriques tant nationaux que régionaux. Merci. Mireille Kanyang et les syndicats regroupés au sein de la Fédération concessionnaire sont préoccupés de la lenteur d'adoption et de la mise en application du document sur l'ajustement salarial. Ils déplorent que les travailleurs viennent de passer 6 ans en attente de cette politique. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Victor Ndavani, le président de cette confédération, dit que des questions se posent sur la gestion des 34 milliards alloués à cette fin par la loi budgétaire 2021-2022. À la source, reportage. Des jeunes ayant terminé leurs études secondaires et universitaires se regroupent dans une association de quête du travail appelée Sangwe Minga Kayove. Ce jeune entreprennent dans l'élevage et le commerce mais demandent de l'appui financier et technique. Le conseiller de l'administrateur communal Minga Kayove, chargé des affaires économiques et du développement, trouve que le travail des jeunes réunis dans des coopératives contribue au développement communal et l'inibéré. Ces jeunes de la colline Ngarama, à Minga Kayove, témoignent qu'après avoir terminé leurs études secondaires et universitaires, se sont réunis dans la coopérative Sangwe Minga Kayove. Ils ont d'abord rassemblé des contributions, 10 000 chacun, puis se sont lancés dans l'élevage et le commerce, comme affirmé par Ernest Ngendahayo, secrétaire exécutif de cette association coopérative. Nous avons besoin de l'appui car jusqu'à maintenant, on n'a pas encore été soutenu. Nous supportons toutes les charges. Pour nous, c'est facile quand nous sommes déjà regroupés dans l'association. Ces projets de coopérative s'étendent sur tout le pays et nous avons une coopérative de recherche et d'emploi au niveau communal. Claudette Nkurunziza est membre de cette association qui se réjouit des avantages trouvés dans cette coopérative des jeunes. Aujourd'hui, moi je peux assurer mes besoins grâce à cette coopérative et les connaissances acquises. Je peux me lancer dans mon projet grâce à ces connaissances, grâce aux connaissances acquises de la part de cette coopérative. Quel est l'appel lancé par cette jeune fille à l'endroit d'autres jeunes? Je les appelle à ne pas se mettre à l'écart, mais plutôt à adhérer dans des associations pour subvenir à leurs besoins sans tendre la main aux parents. Les activités des associations coopératives des jeunes sont saluées par le conseiller de l'administration communale de Mhinga Kayobe, chargé des affaires économiques et du développement. Aimable Lambert Siboniyo dit que ça permet de réduire les jeunes qui partent en Tanzanie à la recherche du travail. Ils se sont regroupés et se sont lancés dans le commerce. Ils ont différents articles de la boutique comme des savons et d'autres besoins courants. Et cela constitue un atout pour la commune. L'avantage est qu'avant, les jeunes terminaient leurs études, partaient en Tanzanie comme nous sommes à la frontière avec la Tanzanie. Mais après que ces jeunes se soient regroupés dans des coopératives, ils ont entrepris et cela a ralenti les départs en Tanzanie à la fin de leurs études. C'est pourquoi nous attendons à des changements dans les jeunes en perspective grâce au regroupement dans des associations. Les membres de l'association des jeunes Sangwe Mhinga Kayobe s'élèvent aujourd'hui à plus de 110. À la source, interview. Place maintenant à notre invité, le commissaire de police Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Il nous parle de ce qui devrait être fait dans l'urgence pour prévenir les catastrophes naturelles en saison de pluie. Il est au micro de Francine Diokougaï. Commissaire de police Aniseni Baruta, vous êtes le président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Dernièrement, le pays a été touché par des catastrophes naturelles. C'est la saison sèche. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de risques aujourd'hui? C'est vrai, on entre dans une autre saison où on a l'été, mais les gens doivent se préparer parce que dans 3 mois, les pluies vont revenir. De toutes les manières, nous devons tirer un plan de préparation pour que nous soyons capables ou à mesure de faire face à tel ou tel autre événement dépendamment des prévisions que l'IGBU aura à annoncer. Par exemple, dans le quartier d'Ogasekebouye, il y a une canalisation qui collecte les eaux de ce quartier et qui passe entre 2 maisons. Même la principale route qui entre dans le quartier d'Ogasekebouye est aujourd'hui menacée. Il y a aussi une route qui passe derrière le Kamwa qui entre dans le quartier d'Ogasekebouye et même de l'autre côté de la route vers l'ISCAM. Le ravin est en perpétuelle progression de destruction au niveau des berges et en profondeur. Le pont Mouha est non loin de l'école internationale de Bujumbura. Il y a aussi une grande destruction. Il y a des gens qui cultivent au-dessus des berges des rivières qui passent surtout dans la ville de Bujumbura. Il y a des endroits où on fait une fabrication des briques, surtout sur la rivière Mhanda qui menace l'environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour justement protéger ces rivières ou les populations environnantes? Jusque maintenant, rien n'est en train d'être fait. Aujourd'hui, c'est que l'été, il n'y a pas de pluie et les risques apparemment sont minimes. Mais les gens doivent se préparer et voir ce qui doit être fait. Vous dirigez aujourd'hui une plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Où se limite justement vos pouvoirs? Nos pouvoirs ont des limites parce que nous faisons la coordination des interventions, c'est vrai, mais il y a des activités qui doivent être faites dans les secteurs parce que si on laisse les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, la saison des pluies prochaine viendra au moment où il y aura des points qui sont en perpétuelle destruction et dont la réhabilitation va coûter cher. À qui vous lancez cet appel urgent? Aux différents ministères qui sont impliqués dans la gestion des situations d'urgence, à commencer par le ministère en charge de l'infrastructure. Il y a des points qui doivent être réhabilités. Ici, à mairie de Bujumbura et ailleurs, il y a beaucoup de points critiques qui méritent une attention particulière et ce ministère devrait faire des actions pour réhabiliter certains points. Je lance aussi un appel à l'OBOA qui fait des contrats avec des associations pour l'extraction des matériaux de construction dans les rivières qui traversent la ville de Bujumbura particulièrement. Je lance aussi un appel aux populations qui vont construire des maisons. Ils doivent s'assurer que les terrains ne sont pas exposés à tel ou tel risque. Le ministère de l'Environnement ou autres partenaires devraient aussi contribuer dans l'aménagement des bassins versants de ces montagnes dénudées qui surplombent la ville de Bujumbura. Et vous évoquez que souvent le problème de manque de moyens suffisants pour faire tous ces travaux. Est-ce que aujourd'hui l'affaire est réglée? L'affaire n'est pas si réglée, mais les équipements qui sont disponibles dans certaines structures, dans certaines organisations, si on les met à contribution, on serait capable de prévenir ces risques. Commissaire de police Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, merci. Et je vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour sa parfaite collaboration. Vestine Outoui, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.